Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchante la tête. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui déchante la tête, le club VIP. Avec bien sûr Léna dans les studios qui nous accompagne. Oui, ça va ? Ouais, ça va très bien, la forme, la patate comme on dit, avec son lot de bonne humeur qui nous accompagne, cette patate bien sympathique. C'est vrai ? Ah ouais, tout à fait. T'as la forme olympique toi ? Bah plus que ça, hein, j'ai la forme athlétique, puisque tu sais que c'est les championnats du monde d'athlétisme bah en ce moment. Bah oui ! J'ai révisé mon 100 mètres, mon 200 mètres, maintenant je vais attaquer le 300 mètres casque. D'accord, tu as fait aussi le lancer de nain, tu t'es préparé pour ça ? Le lancer de micro à la radio. Ah, c'est le lancer de micro, ouais. Ok. 61m58, exactement, t'es pour être précis. Trop balèze. Trop balèze. Tu m'as battu. C'est vrai, c'est arrivé dans le pied d'un juge contrôleur de, bah de d'athlétisme radiophonique. Oui, c'est vrai. Mais ça va mieux, ça va mieux, il s'en sort. C'est vrai. Bah, record bah, entre battu. La tête et le pied, c'est vrai qu'il a pas eu de chance. Non, pauvre juge. La suite, bah, c'est avec un programme assez florissant. Bah oui. En ces beaux jours. C'est vrai. Donc on va retrouver le sondage, la série radiophonique, la Summer Chronique, le journal de la rédaction, le sein du jour et bien sûr son canular. Ouais, son canular bien rigolo, bien bah drôle, oui. Comme on dit. Et voici le jingle, Favretto derrière People of the Night. Le club VIP. Hey, oh, hey. Hey, oh, hey. Oh, people love to dance, yeah. Oh, people let it go. They're trying hard to bend it. To make the bodies blow. Keep on dancing, keep on moving. Come on and let it show. We are the people of the night. Favretto à l'instant, People of the Night. Entrez progressivement dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum. Ah bah oui, ça fait boum boum, alors j'en perds mon latin, voire mon grec, voire mon breton. Bon non, pas le breton quand même, alors, ça s'oublie pas ça. Vous êtes sur la Brest Summer Attitude 2007, avec Léna dans les studios également. Oui. Un petit mot en breton ? Un petit mot en breton ? Ouais. Oh, j'en connais pas forcément. Hein. Ah bon, je croyais ? Bah non. T'étais l'expert de la galette. Ouais, je fais des crêpes, mais je ne parle pas breton. D'accord, et quand elles sont bien bonnes, tu dis... Elles sont bonnes. Crampus arbonnes ? Non, pas arbonnes, je pense pas, mais crampus, oui. D'accord. Ouais, je suis pas un expert non plus, hein. Je m'excuse pour tous les spécialistes. Nous allons faire un point du côté du sondage, un particularisme de l'été. Oui, je pense. Ouais, d'ici quelques instants. Avant, il y a de la musique. Avant, il y a Céron. Avant, il y a Misunderstanding. Il y a également quelque chose d'important dans la radio. C'est quand même que pour la dernière, on recevra une invitée de marque. Hein. Oui, je crois que ses initiales, c'est AB, c'est ça ? Ouais, AB, ouais. Mm-hmm. On soupçonne Annie Bordy. C'est vrai ? Ouais. Annie Benox. On ne sait pas, en fait. Mais en tout cas, ça sera à découvrir vendredi. Tout simplement pour vous, éditeur, c'est Ron, Misunderstanding. Le Club VIP, la suite avec Céron à l'instant, Misunderstanding. C'était tout simplement un beau titre. On va retrouver le sondage du jour. un sondage express avec son lot de surprises aujourd'hui. D'ailleurs, tiens, une petite incartade juste avant le sondage. Écoute bien ça. Dans une minute environ, nous nous mettrons en liaison avec la Sofresse. Et oui, et pour retrouver Léna qui va nous envoyer tout simplement le sondage. Allez, dans une minute, allez, 30 secondes, allez, 20 secondes. Oui, ça va vite, je sais. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. C'est le résultat du sondage du jour avec Léna. Sofresse CSA. Le sondage du jour. Toutes les tendances enfin déchiffrées par notre expert. Alors, ce matin, le sondage, c'est quelle est votre plus grosse dépense de l'été ? Donc, c'est vrai. Ah oui ? Bah oui, en été. Pas mal comme sondage. Ça, c'est pas bête comme sondage. Bah oui, donc en 3, vous avez les cadeaux souvenirs. Bah oui, on va toujours acheter son petit bol breton avec son prénom écrit voilà. Dessus. Et puis le petit menhir qu'on retourne et ça fait de la neige. Oh, t'achètes ça, toi ? Non, je préfère le bol. Ou alors. Ouais, exact. Mais oui, t'as tout ce qui est la liqueur de fraises de Trégastel, ah ouais. Tous les bons, les crêpes même, on ramène ah ouais, des crêpes. Crêpes. Donc voilà, en deux, les vêtements, puisqu'il y en a qui oublient leur maillot de bain chez eux. Ou qui se rendent compte que c'est plus voilà, la mode. Voilà, ou c'est plus la mode. Ou... c'est embêtant. Et en premier, bah forcément, le logement, puisque... il faut, y a le camping, les locations, donc voilà. Ah ouais, pas mal comme ce petit sondage, c'est quand même bien sympatoche. Et on sait comme ça comment les gens, où les gens dépensent le plus leur argent, c'est quand même dans le logement. Mais d'un autre côté, on aurait pu s'y attendre. Mokobé, c'est dans la joie. Et là, compte passé, oh. Allez, c'est parti. Alors. Yeah, ça va chauffer ce soir. Les gros sont jolis comme ça, il y a aussi des vilains. Mais on est ensemble. Et à sa beauté. La beauté se vend pas à la pharmacie. On est ensemble. Tirer le gros lot, on y va rapido. C'est du sûr, tu vas pécho, à l'aise. Ça grouille de sister, dans le collimateur des chasseurs. T'as du mal à danser comme Sean Paul. Si t'es raide, vas-y, joue des épaules. Remplis ton verre, trinque, vas-y, c'est mets la dedans. Nouvelle ère. 5, tout ce qu'il faut pour te plaire. Y'a des belles gosses, y'a des beaux gosses en force. Oh, c'est dans la joie que tu vas swinguer. Hey, t'en fais pas, on va se marrer. C'est la nouvelle danse, c'est la grande classe. Prends place, personne te remplace. On a la puissance, on voit la sono. C'est maquille, y'a pas le feu, y'a pas le drap. Si tu manges pas de suite, ça va être froid. Ajoute une coupe, man. T'écoutes, fais comme chez toi, gars. Découpe, DJ. Perds pas une seconde en DJ. Faut que tu lâches la bombe, c'est yes. Yes, papa. La foule te presse. J'ai déjà. Presse. Y'a fouille, lâche ton dernier pas de danse. Si tu glisses, t'as vraiment pas de chance. Eh, hey, mon Kobe, toutes les femmes dans cette boîte, elles s'appellent Laisse-moi tranquille. Eh, mon tuyau. Jaune, bleu, le ciel, on s'en fout. Ça c'est cadeau pour vous. J'ai les jambes. Aïe. La go, remis ton appel. Tiens ça. Yeah, hey, la petite, bouge ton bon fais pas trembler. Ce soir-là, ouais, gros. Pour beauté d'une personne, ça si c'est de matin, on voit ça. Quand c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté. Moi, Patson, on est debout 24 heures sur 24. On n'a pas de pile, hein, mais on fonctionne. Tu kiffes les huîtres? Le club ouais. VIP t'offre un max de fruits de mer. Sapristi, c'est vrai? Un peu que c'est vrai, champion. 48 huîtres à gagner entre 10h30 et 12h30. 4 douzaines, c'est sûr que ça va faire des heureux. Ouais, c'est trop bien, j'ai gagné 48 huîtres. Eh ouais. Club VIP. 48 huîtres à gagner, c'est bientôt dans la radio. C'est pas n'importe quoi, c'est pas des blagues. Et ça va être pas mal du tout. Petit point également, vous aurez la Stwan qui sera donc vendredi du club VIP. Et puis une clôture samedi également. Samedi où nous ferons donc un petit best-of, hein, où on vous tout simplement fera la cérémonie de clôture avec le ruban à couper. Donc ça se passera en fin d'après-midi, début de soirée, avec pour l'occasion Franck que nous inviterons, donc qui est de la P-Time. Je sais pas s'il va venir, hein. L'invitation est lancée par voix des ondes, je sais qu'il écoute régulièrement. Et puis également Mathieu pour la partie web internaute, le site internet de la radio. Oui, le www.station-millennium.com. Pas mal ça, hein, ce site là. Et par ce biais là vous pouvez avoir tout plein d'informations, de photos, ouais. Ouais. Des infos passionnantes. Puissance Millennium. Et ça monte à la puissance Millennium avec Lord Kossidi. Le titre c'est Stand Up. Everybody stand up. If you know you came to party, let me see you get wild tonight. Everybody stand up. Stand up, ladies, stand up. Move your body to shake until the morning light. Everybody stand up. And it can be a Lord Kossidi. The girls them get wild anytime them see we. Watch them gyrating, we're gonna make them turn this party out. Everybody stand up. Tout le monde sur son 31, ce soir on est sorti. De Kingston à Paris, c'est la dancehall party. L'ambiance est au top et les couples à sortie. Ça débarque de partout, en coupé ou en table. Les filles sont impeccables, elles sont fraîches et sexy. N'hésite pas à te joindre, à nous saute dans un taxi. Kossidi et Nicky B, c'est le nouveau maxi. Personne ne reste assis, c'est busy, busy. Everybody stand up, if you know you came to party. Let me see you get wild tonight. Everybody stand up, I'm going out with Nicky B. The girls them get wild anytime them see me. Watch them gyrating, we're gonna make them turn this party out. On est des jolies dames. Tout le monde transpiré dans son est venu kiffer toute la soirée. Pas d'embrouille, pas de mélodrame. Et les bad boys déposent les armes. Sans sous le charme des ladies. Tu veux pécho, c'est sans problème. Les duos se forment pendant que le DJ enchaîne. Et toute l'atmosphère est phénoménale. Et la basse fait mal, mal, mal, mal, mal, mal. If you know you came to party, let me see you get wild tonight. Everybody stand up. Ladies, move your body. The girls them get wild anytime them see we. Watch them gyrating, we're gonna make them turn this party out. Everybody stand up. Tout le monde sur son 31, ce soir on est sorti. De Kingston à Paris. Everybody stand up. L'ambiance est au top et les couples à sortie. Ça débarque de partout. Everybody stand up. Les filles sont impeccables, elles sont fraîches et sexy. N'hésite pas à te joindre, à nous saute dans un taxi. Kossidi et Nicky B, c'est le nouveau maxi. Personne ne reste assis, c'est busy, busy. Everybody stand up, if you know you came to party. Let me see you get wild tonight. Everybody stand up, ladies move your body. To shake until the morning light. Everybody stand up, and Nicky B, I'm not Kossidi. The girls, them get wild anytime them see we. Watch them gyrating, we're gonna make them turn this party out. If you know you came to party, let me see you get wild tonight. Everybody stand up, ladies, move your body. Take until the morning party. Light. Everybody stand up, and Nicky B and Lord Kossidi. Girls them get wild anytime them see we. Watch them gyrating, we're gonna busy, make busy, them turn the body busy. Out. Everybody stand up. Kossidi along with Nicky B. Lordco City à l'instant, le titre c'est Stand Up sur l'antenne. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Club VIP. Le VIP, avec Léna, faut me dire pourquoi tu rigoles. Pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, on est en train de préparer avec Thomas le Dance Machine du jour, et en fait, je voulais faire sur Joy Salinas. Ouais. Et en fait, on a tapé sur internet Joy Salinas biographie, et on est tombé sur Joy et Yvette Frenette. C'est pas pareil. Canadienne culture, et en fait, voilà, on était pété de rire. Parti dans un délire en post-prod, vous voyez comment on s'amuse à la radio. Ouais, on trouve des trucs, c'est sympa. C'est du énorme, ça. Hein. Ouais. Et on vous fait vivre ça d'ici quelques instants. Alors ça sera quoi le Dance Machine? T'es obligé un peu d'en parler là quelque part. Bah pour l'instant on trouve des infos sur Joy Salinas. Ou alors ça va être W. Ah ouais d'accord. On sait pas encore. La prod se tâte. Donc on va vous parler d'un de ces deux groupes sur l'antenne. Pour le meilleur de la dance. Et nous on va attaquer avec quoi alors Léna dans les studios? La série... C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Série radiophonique qui s'appelle Kiss Kiss Forever. Et là, on va vous faire participer tout simplement à la diffusion de l'épisode 17. Et d'ici moins d'une heure, vous aurez l'épisode 18, tout chaud, il est brûlant. Il a été post-produit hier soir, 3h du matin. Waouh! Non, 4h, excusez-moi. Oui, la production s'est couchée un peu tard parce que l'équipe technique était disponible qu'à cette heure-là. Et donc, voici l'épisode 17 qui, lui, a été diffusé la veille, mais c'est tout simplement pour vous faire un rappel sur ce qu'est la série, puis à l'épisode d'avant, puis après l'épisode d'après. Ça me paraît un beau programme en perspective pour vos oreilles. Dans les épisodes précédents, Brian, un acteur qui sort tout juste du coma, essaie de raccrocher un contrat avec un producteur. Sa femme tente de lui barrer la route du succès. Voici l'épisode 17 de votre série Kiss Kiss Forever, épisode intitulé « Les doutes de la gloire ». Résidence Forever, 11h22. Jérémy, où est ta mère? Elle est dans sa chambre à l'étage. Dis-moi, je peux avoir une petite rallonge sur mon argent de poche? La seule rallonge que je peux te donner, elle est électrique et tu peux aller te pendre avec. Le courant passe vraiment pas entre nous, papa. Je n'aime pas les petits profiteurs élevés au caviar. Des guirpies. Pam! Pamela! Brian, je suis dans le lit conjugal. Un lit qui se conjugue au passé. Oublier le passé, c'est facile pour toi qui n'as qu'une mémoire de poisson rouge. Mais j'essaierai. Et de mon côté, je tente d'oublier tes penchants assassins. Je dois aller tourner un bout d'essai avec ma nouvelle partenaire. Ne m'attends pas pour dîner. Je n'attends jamais personne. Bisous. Docteur Lover, vous me conduisez? Je ne me rappelle plus où se trouve Hollywood. Moi non plus, mais j'ai un GPS. C'est bizarre de rouler vers la gloire future avec un sentiment disparate. Comment ça? Je ne suis pas sûr que le Brian que j'étais autrefois voulait tellement revenir sur scène. Pourtant, cela va être un starter pour votre carrière. Mais si j'avais eu d'autres intentions? Je ne comprends pas. Moi non plus, je ne me comprends pas. Mais j'y verrai plus clair sur le tournage. Des réponses vont venir compléter toutes mes questions, tôt ou tard. Voilà donc l'épisode 17, vous avez qu'une envie, c'est d'écouter l'épisode 18, et bien nous l'avons tout au chaud, bien gardé dans les ordinateurs, gardé à triple tour, puisque vous savez que cette série est énormément écoutée par les Américains qui veulent absolument faire l'adaptation de la série évidemment au cinéma, mais pour l'instant nous gardons les droits secrètement, et rien que pour vous auditeurs d'Estival, en exclu. NZH, New Style. Rendez-vous man pour la dance all time. Reggae night. fais pas, c'est le natural, Zion High. Bye, Selecta, donne-moi du power. J'rentre dans la dance hall comme des gladiateurs, tous se donnent pour le showtime. Armée de colchons, combat depuis long time. Nos efforts paieront, l'avenir fera moins mal. Nous avons la chance d'avoir le mic, une guerre lyricale. Si pour une seule personne, nos lyrics parlent à son âme, alors nous récolterons les fruits de notre travail, tous ensemble sur de bons rails. Reggae, musique est ma passion, l'encre de mes veines, mon cœur, ma respiration. Mais ça depuis long time. Happiness, ma colche, mes premières sessions. T'inquiète, j'oublierai pas le moteur de mes créations. La même innocence, aujourd'hui rien n'a changé. Comme par magie, les bons n'ont jamais tourné. Pas de doute, pas d'alerte, fiction, réalité. Aujourd'hui je reviens chanter. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Pas facile de voir la réalité et d'avoir l'esprit tranquille. De surmonter les épreuves sans jamais perdre le fil. J'donne ma manière et j'te révèle mes bonnes combines. L'amour et le reggae sont mon apport en vitamine. Écoute les flots et apprécie mes rimes. Les vibes que j'exprime sont pour les frères qu'on opprime. Je représente mon crew, celle-ci est pour tous mes bêtuits. My selector, donne-moi du power, j'rentre dans la dancehall. Tu sais qu'avec le natural, les bad vibes sont dingues. Donne-moi du power pour les frères qui sont là. Des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Si tu veux du new style, style, style. Des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Well, on a pris rendez-vous avec la vibration. La musique est une mission, non une compétition. Une atmosphère lorsqu'on s'occupe de la session. Le NZH rentre en action. Du new style, pour toutes les sisters, pour tous les brothers. Ceux qui bougent le gosse, swing et waga, du new style. Reality and culture, c'est la dancehall fever. Big up à tous les massifs qui sont là, du new style.